Le 15, en Corée du Sud, le journal Kyungyang Sinmun et le journal d'internet Minzo Gilbo ont fait paraître des éditoriaux contre le pouvoir de Bakouni, qui a signé provisoirement l'accord sur la protection des renseignements militaires avec le Japon. Par ailleurs, le 14, la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques et la Fédération des unions syndicales de Corée du Sud ont lancé une déclaration commune pour revendiquer au gouvernement de Bakouni d'interrompre immédiatement la conclusion de l'accord précité comparable au traité en s'imposant de l'an ou le sang et de démissionner, alors que le 16, 42 spécialistes de l'unification, de la diplomatie et de la sécurité ont publié un manifeste d'actualité réclamant l'interruption de la conclusion de l'accord militaire. Les maires de Songnam, de la province de Gyeonggi et de Séoul, le représentant du Parti démocrate d'Obulo à l'Assemblée nationale et le président de mesures urgentes du Parti de la population ont blâmé que le pouvoir de Bakouni est vraiment fou.